Ça tourne. Bon alors, bonjour, ça va bien? Ouais. Bon, on va y aller? Oui, salut. Alors, ça va bien? Ouais, bon. Ouais. On va aller super hamburger là. Oh, fritaille? Ouais, d'accord. Bon, on ira cet après-midi dans 1 heure. Ciao, salut. Bon alors, on va au fritaille tout de suite, hein. Oh ouais, voilà. Bon, ouais, on regarde que ça. Avant on ira au fritaille, ouais. Mais après on regarde que ça, ouais, tu veux. Oui. À cet après-midi. Ciao. Bon, ouais. Bon, oui, d'accord. On va au fritaille. Salut. À tout à l'heure. Nous allons une fritaille.